Amis golfeurs, l'Intermarché Flore à la chance de Saint-Prime vous invite à profiter de ses spécialités sur le grill afin d'agrémenter votre 19e trou. Dégustez nos 10 variétés de succulentes saucisses préparées en magasin. Régalez-vous de nos exquises rosettes de saumon farcies au fromage et aux crevettes. Ou encore, tous les vendredis, expérimentez nos réputées savoureuses côtes de dos cuites sur place. Pour un après-golf réussi, pensez l'Intermarché Flore à la chance de Saint-Prime qui profite de l'occasion pour vous souhaiter une excellente saison. C'est la chronique du club de golf de Saint-Prime avec notre ami Rémi Curtness. Salut Rémi. Bonjour Danny. Rémi, on est à quelques jours du défi golf du côté de Saint-Prime. C'est la deuxième édition. Comment ça va jusqu'à maintenant? Ben, ça va super bien. Là, on est dans les gros préparatifs pour ce qu'on appelle, nous, le méga weekend golf, ouais. avec beaucoup de bénévoles. Alors, au programme... drive, chip and putt pour les petits là jeudi avec les qualifications du concours de drive. On va avoir une ouverture officielle assez spéciale également. OK. Après ça, vendredi, c'est l'Omnium Saint-Prime, les plus gros joueurs de la région avec en soirée le skin game dont la confirmation est confirmée, là, en fait, la participation, pardon, de Kevin Fortin-Simard, Pierre-Alexandre Bédard, Daniel Melançon de Golf Mag. Ouais. Le samedi, c'est, je pense qu'il reste 3 ou 4 places, là, je ne suis pas sûr, mais c'est presque complet, le tournoi des équipes de sport, avec les finales du concours de drive en fin d'après-midi et en soirée. Ça, c'est-tu le concours régional? Est-ce que c'est-tu le même que UH Clothing? C'est-tu fait par UH Clothing, ça? Ah ben, je sais que c'est des qualifications pour le concours de l'Est du Canada. Fait que il y a des cogneurs, qui ont participé à Mesquite au Nevada au championnat international l'année passée, qui vont être présents à Saint-Prime cette année. Là. Alors, on a des gros cogneurs, puis on ouvre ça, je pense, à des classes juniors, seniors, femmes, en tout cas, grosse affaire. OK. Donc, on va suivre ça de très, très près également. Y a-t-il d'autres choses aussi? Ben, en fin de semaine, c'est plus tranquille. Ouais. On a ce qu'on appelle, nous autres, une mafia demain, là, avec, je pense, un petit souper. On attend, là, on laisse ça libre pour profiter au maximum là, des vacanciers, là, des droits de jeu, des visiteurs. Alors, les prochaines semaines, à part le méga weekend golf, on n'a pas beaucoup d'activités. Mais le terrain devrait être quand même assez achalandé, là, compte tenu que c'est le début de la période des vacances de construction, puis on annonce du beau temps en plus. Donc, si on fait avoir un mois de juillet pas mal plus beau que l'année passée, on devrait avoir des résultats intéressants cette année. Est-ce qu'il y a beaucoup de touristes dans le secteur qui vont... Cette semaine, ça a été bon pour nous autres, à part aujourd'hui où tantôt il a tombé des orages là, puis des forts vents, mais depuis le début, depuis la mi-juin là, nous ça va super bien dans les pour les visiteurs, dans ce qu'on appelle les droits de jeu. Mais comme je le disais tantôt, il faut que juillet et la première demi-août là, faut que ça soit encore du beau temps pour que on puisse profiter au maximum là, de la période où les gens sont en vacances. OK. Donc, évidemment, c'est tranquille. Je devrais aller faire un tour la semaine prochaine. On va serrer la pince pour la première fois parce qu'évidemment, Daniel Melançon va être présent. Fait que moi, ça m'intéresse de lui parler. Puis aussi de voir Kevin puis Pierre-Alexandre. Il doit y avoir une rivalité entre les deux? C'est des amis puis en plus skin game. Hein. Évidemment, il y a une rivalité là au golf, mais c'est des très bons amis là, effectivement. Je te parle de petite rivalité là entre les deux. Amicale, effectivement. Puis, Kevin et Pierre-Alexandre cette année, ils font un travail extraordinaire pour nous autres parce qu'ils nous amènent des excellents joueurs de l'extérieur de la région. Puis ces joueurs-là participent non seulement au concours de drive, mais ils vont être à l'Omnium Saint-Prime. Donc, on devrait avoir des capitaines là qui sont à entre plus 3 ou plus 4 et à 2 ou 3 d'handicap. Là, ça devrait être très fort cette année. OK. Bon, ben, on se parle la semaine prochaine, Rémi. Parfait, M. Danny. Voilà, merci beaucoup. Bonne semaine. La chronique du club de golf de Saint-Prime avec Rémi Curtness.